C'est avec joie que je salue chaque frère, chaque sœur. Na furaha mingi nasalimia kila ndugu na kila dada mjina damani. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Jina damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Vraiment, vous allez me pardonner. Mu nisameko kabisa. Il y a eu des circonstances relatives à la route. Kulikuwa na mambo yenye kuangalia na barabara. J'ai connu une crevaison. Miopeto itobuka. À un endroit où il n'y avait vraiment pas de quoi d'eau. Pa fashi pale pa kwa ta kutengeneza. Il fallait maintenant prendre les pneus, aller chercher là où il y avait le quoi d'eau. Fazai kubeba mpeto kwenda kutafuta kutengeneza. L'essentiel est qu'on est là. Ya mafwa tuko hapo. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Nous mettons de vous. Tushimame. Que Dieu vous bénisse pour le grand travail qui a été fait. Njua kazi mkubwa ifanyiko. Que Dieu bénisse chaque frère. Que Dieu Mungu abariki la nduku na kila dada. Que Dieu bénisse le révérend. Mungu abariki pastori. Ici c'est chez nous. Huku ni kwetu. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Tufungule mabiblia yetu Mwanzo sura ya kwanza. Genèse chapitre 1. Mwanzo sura ya kwanza. Verset 26. Mustari yake ya makumi mbili na sita. Puis Dieu dit. Kisha Mungu akasema. Faisons l'homme à notre image. Fanye mutu kwa picha yetu. Selon notre ressemblance. Kufatana na kufanana kwetu. Qu'il domine sur le poisson de la mer. Apate kutawala pa samaki ya mari, ya mai. Sur les oiseaux du ciel. Yulu ya bandeke baanga. Sur le bétail. Yulu ya banyama. Sur toute la terre. Pa dunia mujima. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na yulu ya banyama kutambala bote na tambala pa bulongo. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mutu kwa picha yake. Il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa picha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanaume na mwanamke. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura kwanza. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura kwanza. Nous pouvons commencer par du verset 3. Tunaweza kuanzia mstari wa 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que Mungu na baba yake Bwana wetu Yesu Kristo qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ule atubariki mabaraka yote ya kiroho. Dans les lieux célestes en Christ. Pali pa mbingu ndani ya Kristo. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Yeye atuteula mbele ya maumbile ya dunia. Pour que nous soyons saints et irréprochables. Juu tukwe batakatifu na bila kemio. Devant lui. Mbele yake. Il nous a prédestinés. Atutayarisha. Dans son amour. Mumapendo yake. À être ses enfants d'adoption. Batuye batoto yake. Il nous a prédestinés. Atutayarisha. Dans son amour, mapendo yake, à être ses enfants d'adoption, kuya batoto yake, par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté, kufatana na kutaka kwake kwa mapenzi yake, pour célébrer la gloire de sa grâce, njua kutukuza nema ya baraka yake, dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. Ile atufaidia ndani ya bapendwa. Que Dieu a engendré baraka musome neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu, notre Père. Baba etu, Mungu etu. Nous te disons encore une fois merci. Non, piki atena sante. Pour ta grâce, pour ton amour. Jua nema yako na mapendo yako. Et pour ce privilège que tu nous donnes. Nanju ya i privilège que tu patia. Pour que nous puissions nous tenir devant toi. Tu pate kushimama mbele ya taifa yako. Puisses-tu accepter Seigneur. Upate kuchika Bwana. À travers ton esprit. Kupitia roho yako. Par ta parole. Kupitia neno lako. Que chacun d'entre nous soit vraiment édifié. Kila mmoja wetu apate kujengewa. Béni le révérend. Ubariki pastor. Béni les anciens, bariki les conseils de l'église, bariki shauri ya kanisa, chaque frère, bariki la nduku, bariki chaque sœur, bariki la dada, et sois avec nous, na du début jusqu'à la fin, que le tout s'efface pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur, et sauveur Jésus Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Également dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Najua kwa ile nabaki bitu yote bikunafika biku bizuri kwa bale mpenda Mungu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Kubale benye kuita kufatana na mapu yake. Nous savons du reste. Najua kwa ile nabaki que toutes choses. Nasema kila kitu concourent au bien. kiko kizuri, concours au bien, unafika jua vizuri, iko natumika, unatumika, concours au bien, unatumika juu ya kizuri, pour le bien. Nous savons du reste que tunajua kusema kitu kyote, toute chose, kitu kyote, concours, unatumika au bien, jua vizuri, au bien de ceux qui aiment Dieu. Ya bizuri ya bale wanampenda Mungu. Juu ya kizuri. Juu ya kizuri. C'est au bien, bien au singulier. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Juu ya kizuri ya wale wanampenda Mungu. Au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Juu ya kizuri ya bale bariito kupata na mapu yake. Tunayua ya kusema kubyote vinabakia. Vitu vyote viku natumika juu ya kizuri ya pale Mungu aliita kufatana na mapu yake. Amen. Car kwani ceux qui l'ont connu d'avance, wale alitangulia kujua, il les a aussi predestinés, alitangulia vile vile kutangulia kuwatayarisha, à être wapate kuwa semblable à l'image de son fils, wapate kufanana na mupicha ya mwana wake, afin que ili son fils mwana wake soit le premier né de beaucoup de frères, awe mzaliwa wa kwanza kati ya wanduku wengi, et ceux qui l'a predestiné, na wale alitangulia kutayarisha, il les a aussi appelés, aliwaita vile vile, et ceux qui l'a appelé, na wale aliita, il les a aussi justifiés, aliwahesabia vile vile haki, et ceux qui l'a justifié, na wale alihesabia kwa haki, il les a aussi glorifiés, aliwatukuza vile vile. Que dirons-nous donc, nini basi tuweze kusema à l'égard de ces choses, jua hii maneno yote. Si Dieu est pour nous, kama Mungu kwa ngambo yetu, si Dieu est pour toi ma soeur, kama Mungu ngambo yako dada yangu, si Dieu est pour toi mon frère, kama Mungu ngambo yako ndugu yangu, qui sera contre toi, nani atawezi kukombanisha? De ce chapitre que nous venons de lire, toka hii sura tunatoka mkusoma, nous allons pratiquement avec l'aide du Saint-Esprit, tutapenda kufuatana msaada ya Mungu kabisa kabisa, parler sur l'adoption d'une façon un peu synthétique, kusemea yule kukubaliwa kwa mwana munamna ya ufupi, ah, d'une façon synthétique, munamna ya ufupi, pas comme un enseignement, hapana sana mafundisho, mais comme une parole pour l'édification, sawa neno juu ya ujenzi. L'adoption, kukubaliwa kwa mwana. Nous savons du reste que tunajua yule yote kwamba toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Yule yote unasaidia mvizuri ya wale walikumpenda Mungu. Dit amen. Useme amina. Au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mvizuri ya wale wenye kuitwa kupatana na makusudi yake Mungu. Car ceux qui l'ont connu d'avance. Kwani wale Mungu alitangulia kujua. C'est pas aujourd'hui que Dieu t'a connu mon frère. Aina leo ndio Mungu alikujua dada yangu. C'est pas aujourd'hui que Dieu t'a connu mon frère. Aina leo ndio Mungu alikujua ndugu yangu. Dieu t'a connu avant la fondation de ce monde. Mungu alitangulia kujua mbele misingi ya dunia ipate kuwekwa. Mbele upate kuwa hapo. Avant que ce monde soit là. Mbele hii dunia ipate kuwa. Lui, il t'avait connu. Mungu yeye alikujuaka. Avant que COVID-19 soit là. Mbele ya COVID-19 ipate kuwa hapo. Lui, il t'avait connu. Mungu yeye alikujuaka. Avant que toutes ces souffrances soient là. Mbele hii mateso yote ipate kuwa. Lui, il t'avait connu. Mungu yeye alitangulia kukujua. Mais maintenant. Sasa. Si Dieu nous a connus. Kama Mungu alitangulia kutujua. Avant la fondation du monde. Bila misingi ya dunia ipate kuwekwa. Entre le monde et nous. Kati ya dunia na sisi. Qui a du prix? Nani kwa mwenye kwa na bei? Entre le monde et nous. Kati ya dunia na sisi. Qui a du prix? Kwa bei ni nani? Avant que le monde soit. Bila dunia ipate kuwa hapo. Lui, il t'avait déjà connu. Mungu yeye alitangulia kati ya kujua. C'est pourquoi, Dieu commande, à cause de toi, Dieu yako wewe, toi que Dieu a connu avant la fondation du monde, wewe ule Mungu alitangulia kujua mbele ya misingi ya dunia ipate kuwekwa, toi que Dieu a appelé selon son dessein, wewe Mungu aliita kufuatana makusudi yake, dans le programme de Dieu, mambo ya Mungu, dans le programme de Dieu, matengenezo ya Mungu, mon frère tu es là dedans, wewe ndugu yangu uko ndani ya ile matengenezo yake, dans le plan de Dieu, mapu ya Mungu, ma sœur toi tu es là dedans, wewe uko mule ndani ya ile mapu, je ne vois pas un enfant du diable ici, mission hapa mtoto wa shetani hapana. De Dieu. Et je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Avant que le monde soit. Mbele ya dunia ipate kuwako. Dieu t'avait connu. Mungu alikujuaka. Je te dis ce soir. Na kuonesha mangaliba leo. Wewe uko yulu ya dunia. Tu es au-dessus du monde. Wewe uko yulu ya dunia. Tu es au-dessus de la souffrance. Wewe uko yulu ya mateso. Tu es au-dessus de la maladie. Wewe uko yulu ya magonjwa. Tu es au-dessus de tous les problèmes. Wewe uko yulu ya mambo yote. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que nous pouvons à un certain moment nous poser la question. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi on se donne la peine? Pourquoi on prêche? Pourquoi nous venons faire à l'église? Il y a un objectif. Si l'église ne connaît pas la destinée. Ne connaît pas la destinée que Dieu lui a donnée. Comme kanisa ijue fazi le Mungu alimpatia kwa yeye kwenda kuishia. Ça sera difficile qu'il puisse y entrer. Itakuwa kigumu apate kuingia ule kule apate kuingia ule fazi yetu nasikia. Si l'église, kama kanisa, et quand je parle de l'église, na wakati nasema njoo kanisa, je te vois toi ma soeur, ni wewe dada yangu, je te vois toi mon frère, na kuona wewe ndugu yangu. Si l'église, kama kanisa, ne connaît pas la destinée, aijue fazi ya mwisho, que Dieu lui a déjà donné, kule Mungu acha kumpatia, il lui sera difficile d'y entrer, itamkuya nguvu apate kuingia kwa ile fazi. Et Dieu aussi ne peut pas collaborer avec toi. Mungu bila hawezi kutumika na wewe. Si tu n'arrives pas à comprendre, kama ufike mkuelewa, sa manière de procéder, namna yake ya kutumika. Amen. Amen. Abraham, notre père de la foi. Ibrahim wetu katika imani. Il vivait dans un environnement. Alikuwa naishi fazi mo fulani pa dunia. Mais comme Dieu, lakini sasa vile Mungu avait une destinée avec lui. Alikuwa kana kufazi ndio alipata kwenda kuishi naye. Ce que tu vis, yuko naishi hapa. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Aina ile ndio Mungu alitayanereza juu yako. Suseme kwa amen. Dit amen. Ma sœur, ce que Dada tu vis, yuko naishi pale. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Aina ndio kile Mungu alitayarisha juu yako. Kwa maana tunapenda tu na kuhubiri. Wengine mkile Mungu anaisha kukupangia. Akitupita entrer dans ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Dès maintenant déjà commence déjà à t'entêter par rapport à ta situation. Anze hapa sasa, anze hapa kwanza kufanya kitu cha nguvu juu ya mambo yako. Anze déjà kuonesha Mungu asema hicho niko, haina kile wewe Mungu ulinitayarishia. Parce que toi Dieu tu as préparé pour moi. Kile hiki niko nacho, hiki niko nacho. Haina kile wewe Mungu ulinitayarishia. Tu as préparé pour moi. Amen. Amen. Abraham vivait dans un environnement. Ibrahim alikuwa anaishi mahali moja. Et Dieu, na Mungu, il a commencé d'abord à le libérer. Alianza pombele kumkomboa, à le libérer de toute incrédulité. Kumkomboa kutokuamini kote. Et puis après, Nakisha, Dieu a commencé à le retirer Mungu, de sa vie natale. Mungu akaanza kumtosha mwinchi yake kule alizalikia. Dieu commence à le retirer. Mungu akaanza kumtosha de sa situation. Mu mambo yake. Vous comprenez? Munashikia? Dieu commence à le séparer. Mungu akaanza kumtenga de ses frères, na banduku yake, de ses amis, na barafiki yake, de ses pères, na baba yake. N'est-ce pas? Dieu a commencé d'abord à le libérer de toute incrédulité. Mungu alianza mbele kumkomboa kukutokuamini kote. Il le libère. Anamkomboa na mwacha huru. De toute incrédulité. Na kutokuamini kote. Pour que Abraham puisse vraiment le croire lui. Ili Ibrahim apate kumwamini yeye Mungu. Le croire lui pourquoi? Kumwamini yeye Dieu nini? Parce que Dieu a un plan avec Abraham. Mungu ana mapu ile kwa Abraham. Le croire lui pourquoi? Kumwamini yeye Dieu nini? Parce que Dieu a une destinée avec Abraham. Mungu anakula anapenda kuishia na Ibrahimu. Là où Abraham vivait, ule Ibrahim anaenda kuishi. Ce n'est pas là où Dieu avait prévu que Abraham vive. Aina ndio kule Mungu alitengenezaka ili Ibrahim apate kwenda kuishi huko. Est-ce que vous êtes là? Yesu mko napata. Église, est-ce que vous êtes là? Kanisa mko hapa. Là où Abraham vivait, Ibrahim alikuwa naishi. Ce n'est pas là où Dieu a prévu que Abraham puisse vivre. Aina ndio kule Mungu alitayarisha ili Ibrahim apate kwenda kuishi kule. Est-ce que je peux dire? Hivi mimi nawezi kusema. C'est par accident. Ni kwa rafla tu. C'est par accident. Ni kwa rafla tu. Que nous sommes ce que nous sommes. Tuko kile tuko. Mais par la grâce de Dieu. Mungu. Nous serons ce que Dieu veut. Kwa kile Mungu anapenda namna ile Mungu anapenda kutuona. C'est par accident. Ni kwa rafla. Frère, comment vous voulez vous dire que tu es? C'est par accident. Ni kwa rafla tu. C'est par accident. Ni kwa rafla. Et c'est par représentation. Ni kwa kionyesho tu. C'est pourquoi. Ndio kwa maana nous parlons à l'église. Tuko nasema na kanisa. Est-ce que vous êtes là? Eti kanisa mko hapa. Avant la fondation du monde. Dunia pate kuwekwa. Et Abraham. Na Ibrahimu. Dieu l'a libéré. Mungu akamkomboa. De toute incrédulité. Kutokuamini kote. Dieu l'a retiré. Mungu akamtosha. De son pays natal. Muichi yake mula alizalikia. Dieu l'a séparé. Mungu akamtenga. De ses parents. Na bazazi yake. De ses amis. Na barafiki yake. De ses frères. Na banduku yake. Pourquoi? Juu ya nini? Pour le faire entrer. Dieu kumwingiza pour le faire entrer dans sa destinée. Dani ya fazi le Mungu alitayarisha apate kuishia mo. Il y a la destinée humaine. Uko mwisho ya batu ya mtu. Il y a aussi la destinée divine. Kikukutana mwisho ile Mungu yeye mwenyewe alitayarisha. Humainement, kwa kusema saa mtu, tu peux être ingénieur. Unaweza kuwa engineer. N'importe quel enfant ici. Aizuru mtoto gani hapa? Il peut être dans une famille X. Anaweza kuwa mjamaa fulani. Ses parents peuvent ne pas avoir de moyens. Bazazi yake banaweza kukosewa namna. On peut même taxer cet enfant là que il n'est pas intelligent. Banaweza kusema tolo mtoto asaona ana akili. Mais si vous prenez cet enfant, lakini kubeba ule mtoto moya moya, ses parents ne sont pas en mesure de payer peut-être la scolarité. Ule bazazi yake tazingina bana namna kulipa masomo yake. Qui peut faire en sorte que cet enfant sur le plan naturel, il devient comme un échec. Ile inawezi kufaa mwili cha kusema huyu mtoto ni kushindwa tu. Donc il n'a rien. Ana na kitu, il n'a pas une bonne vie parce que peut-être il n'a pas étudié. Kwani tazingina asikujifunza? N'est-ce pas? Et si ana vile. On peut le qualifier de chômeur. Banaweza kumtenda mulofwa. On peut le qualifier d'un vaurien. On peut le qualifier de patati patata. Mais si vous prenez ce même enfant, vous le mettez par exemple dans la famille de Bill Clinton, vous allez voir que cet enfant-là sera intelligent. Et il peut même devenir savant. Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas ce que tu as reçu sur le plan naturel. Cela n'est pas important. C'est pourquoi au milieu de nous, il n'y a pas de classe. Au milieu de nous, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe sociale. Amen. Amen. Si tu es ingénieur, c'est notre bénédiction. Si tu es chômeur, c'est notre bénédiction. Alléluia. Amen. Si tu es riche, c'est notre bénédiction. Si tu es pauvre, c'est notre bénédiction. La richesse, Mali, la pauvreté Mali, ne nous séparera jamais. Parce que Dieu ne nous a pas connus à cause de la richesse. Mali, amen. Amen. Ainsi, Yves Bas. Quand maintenant Dieu a libéré Abraham. Wakati Mungu alimkomboa Ibrahimu. Abraham se séparé aussi. Ibrahimu naye akajitenga. Il est arrivé à un point. Akafika pa nukta fulani. Genèse chapitre 13. Mwanzo sura 13. Suivez bien. Mfuate mzuri mzuri. Genèse chapitre 13, verset 14. Mwanzo sura 13, mstari 14. L'Éternel dit à Abraham. Wamilele akasema na Ibrahimu. Abraham. Ibrahim. Abraham. Ibrahim. Pas Abraham. Abana Ibrahim. L'Éternel dit à Abraham. Wamilela kasema na Ibra. Après que l'autre se fut séparé de lui. Kisha loti kujitenga naye. Amen. Amen. Après que l'autre se fut séparé de lui, Shaloti kujitenga naye. Dieu lui dit, Mungu akamonesha Ibrahim, Ibra. Lève les yeux. Inua macho yako. Du lieu où tu es. Toka mahali uko. Regarde. Tazama. Vers le nord. Kusini. Vers le midi. Kaskazini. Vers l'orient. Kwa asubuhi. Vers l'occident. Na kumangaribi. Regarde. Tazama. Tous les pays que tu vois là. Inchi yote unaona kule. Quand tu regardes au nord. Wakati unaangalia kusini. Quand tu regardes au sud. Wakati unaangalia kaskazini. Quand tu regardes au nord-orient. Wakati unaangalia kwa subuhi. Quand tu regardes à l'occident. Wakati unaangalia kwa magharibi. Tous les pays que tu vois là. Inchi yote unaona kule. Tous les pays que tu vois là. Inchi yote unaona kule. Je le donnerai. Nitaipatia. Je le donnerai. Taipatia. À toi. Et à ta postérité. Pour toujours. Kwa lote. Selon Dieu, patana Mungu, Abraham, Ibra, a été destiné alitangulia kutayarishwa à quelque chose, kitu fulani. Et là où il était, na alikuwa, ce n'est pas ça que Dieu avait prévu. Aina ndio kile Mungu alitangulia kutayarisha. Abraham maintenant devait travailler, devait marcher pour entrer dans ce que Dieu avait prévu. Kile Mungu alitayarisha. Et quand il entre, propre. Quand il arrive au point où Dieu a prévu, il va bénéficier de toutes les bénédictions. C'est quoi, nous ne sommes pas de grâce sans effort. Nous travaillons pour notre salut. Parce que nous savons que à l'appel que Dieu nous a donné, il y a un héritage qui est attaché. Je ne regarde pas à ce que je suis. Je ne regarde pas à ce que j'ai. Je regarde à ce que Dieu va me donner là. Est-ce que vous comprenez? Je regarde à ce que Dieu va me donner. Je regarde à ce que Dieu m'a promis. Aussi longtemps que je n'ai pas encore reçu ça, je travaille, je crie, je prie. Est-ce que vous comprenez? Je plaide, je supplie. Et quand nous cherchons la chose essentielle que Dieu avait déjà prédestinée pour nous, le ciel va travailler pour que tu puisses la voir. Amen. Amen. Le ciel va travailler pour que tu puisses le voir. Ne soyez pas distrait, ma soeur. Ne soyez pas distrait, mon frère. C'est pas Paul nous dit. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Dieu a dit à Abraham, Mungu alimonesha Ibra, lève les yeux, inua macho yako, de là où tu es, toka mahali huko. Tu fais que tu es assis dans la maladie. Unaweza kuwa shoko ikala magonjwa. Dieu te dit, Mungu anakuonesha, lève les yeux, inua macho yako, de l'état où tu es, toka hali ile mwiko. Regarde maintenant. Sasa tazama. Qu'est-ce que tu vois? Unaona nini? Qu'est-ce que tu vois? Unaona nini? Je ne vois pas la maladie. Je vois la guérison. À travers les maîtrises de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens sur la Kwanja. Verset 18. Musa la kuminamunani. On remonte un peu. Tupande kokuleju kidogo. C'est pourquoi. Njoko mana. Moi aussi, Naami vile vile, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, Dani abuana Yesu Christu, et de votre amour pour tous les saints, na njua mapendo yenu, njua watakatifu wote, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Siache kushukuru njuu yenu. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Na ndiko nimetaya katika maombi yangu yote. J'ai fait mention de vous dans mes prières. J'ai toujours fait mention kila mara na mitayanga, de vous aussi dans mes prières. Vile vile. J'ai toujours fait mention de mon père ici dans mes prières. Mina tayaka, kila wakati nduku yangu, mukanize, baba yangu, maombi yangu. Angalia. Sumuka kuna baba yenu muimani na bote. Eyo, si vote perda la foi. Dans les cas contraires, tu seras balota. Kama ina vile, toko kutengatenga kwa yangu. Na wate pale, tu ne vas pas y aller. Bata konesha, utashikia. Les affaires de Dieu commencent vraiment comme ça. Moi, c'est ici que j'avais cru. Sous leur ministère. C'est ici que j'avais cru. Donc, je prêche pratiquement chez nous. Révérend, c'est ça, non? Pastor, c'est ici que moi j'avais cru. Donc, je suis le fruit des Kambov. Attends, la luka luka, mais je suis le fils de Kambov. Même si nous ne parlons pas, mais les choses c'est comme ça qu'elles sont. Mais je parle en passant. C'est quoi, j'ai fait mention de vous d'amitié. Voilà pourquoi, quand j'ai pris, Seigneur, Buana, souviens-toi de mon assemblée. Souviens-toi aussi de mon assemblée. Oui. Dio. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Baba Otukufu, vous donne un esprit de sagesse. Vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Qui croit que Dieu l'a appelé? Mes frères et sœurs, de la même manière que Dieu avait appelé Abraham, c'est de cette manière que Dieu aussi nous a appelé. Abraham ne pouvait pas suivre Dieu s'il n'y avait pas de bénéfices là-dedans. S'il n'y avait pas de bénéfices, Abraham ne pouvait pas suivre Dieu. Si Abraham a suivi Dieu, c'est pas qu'il y avait les bénéfices. Dieu lui a dit, je te bénirai. Alors je te suis. Dieu lui a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je te bénirai. Tu vas me bénir. Alors je te suis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Ok, je te suis. Il y avait un bénéfice. Si Nachir, nous aussi. Ataka mukambo vumukumvumu. Kambe mema kambo vya la poti. Kumwito ya Mungu. Na la peine de Dieu. Il a dit ça. Il nous a fait. Kuko cha kufuki ko kibi ya mtaka kule. Et caché derrière cet appel. Amen. Amen. C'est pourquoi nous combattons. Non, pour que tu vas combattre. Ataka ni chambula. Même si tu me dis rien. Je ne regarde pas au dessus. Je ne regarde rien. Je ne Mungu alinilaka. Ya kwa Dieu m'a promis. Atami na gonjwa. Je suis tombé malade. Oui. Ça va muntu. Mitalia. Je peux pleurer. Mais macho yangu ina kubalari. Je regarde pas la maladie. Dieu. Iko na angalia. Je regarde. Je Mungu alinilaka. C'est que Dieu m'a promis. Qu'il illumine. Yangazie. Les yeux de votre cœur. Macho ya moyo wenu. Pour que vous sachiez. Ili mupate kujua. Quelle est l'espérance tumaini gani qui s'attache à son appel? Ile lambatana na mwito yake. Quelle est la richesse? Ni mali gani utajiri gani? Quelle est la gloire de son héritage? Ya utukufu ya urithi yake. Qu'il réserve aux saints. Ile natuingia watakatifu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs. Basamba dada yangu. Dieu est bon. Mungu ni mwema. N'est-ce pas? Mais pour ses élus, Dieu a aussi une bonté en réserve. Mungu tene ona wema fulani asa kuwachungia. Mungu anafanyishaga bantu bote bien. Dieu fait du bien pour tout le monde. Mais il y a une exception. Lakini kuko ako kakitu kadogo kale takanisho. Il y a une bonté pour les élus. Kupo wema moya njutu ya wateule. Pour reconnaître position hier. Reconnaissons notre position. C'est parce qu'à un certain moment, tout le monde a tenka tenka. Nous sommes ballotants. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle c'est jour de nous. Ce message est venu. Le message biblique du temps de la fin. Qui a été prêché par William Aron Branham. Que Ewald Frank continue à prêcher. Que notre pasteur continue à prêcher. Ce message est venu pour nous positionner. Amen. Amen. L'élection coûte. Kuchaguliwa ni kwa bei. L'élection est au-dessus de toute chose. Kuchaguliwa kuko yulu ya vitu vyote. L'élection est au-dessus de l'argent. Kuchaguliwa kuko juu ya pesa. L'élection est au-dessus de l'école. Kuchaguliwa kuna shindia hata l'élection est au-dessus pratiquement. Kuchaguliwa kuna pita. De toutes les histoires de la terre. Mambo yote ya vitu vyote vya dunia. À cause de l'élection, Dieu est capable de prendre même une partie de Kambo pour me faire. Même une portion de Kambo et vous la donner. Est-ce que vous n'êtes pas? Et si vous acceptez ça? les travaux qui étaient faits, les travaux qui étaient faits, de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Et que qu'elle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Il l'a déployé en Christ. Cette infinie grandeur de sa puissance. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant de mort. En le faisant asseoir. À sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous son pied. Est-ce que vous comprenez? Il a tout mis sous son pied et il l'a donné. Il l'a donné pour chef suprême. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Amen. Amen. Dis-le Dieu, c'est moi une fois. Tout ce que Dieu a fait. Attends, il est position, mon on a pas dit à Yes. Même la position que Dieu a donnée à Jésus. Il est position, mon on a pas dit à Yes. La position que Dieu a donnée à Jésus. Il est position, mon on a pas dit à Canissa, papa Boulogne. Cette position-là que Dieu donne à l'église sur cette terre. L'église est au-dessus de toute autorité. Et que lui, on me l'a caillotée. L'église de Jésus-Christ est au-dessus de toute domination. L'église de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Est-ce que vous le croyez? Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Akuna kintu kitatawala kanisa. Qui va dominer sur l'église. Kanisa ya Yesu. L'église de Jésus. Akuna kintu kitatawala. Qui va dominer sur elle. Akuna kintu kitangusha kanisa ya Yesu. L'église de Jésus. Kanisa ya Yesu itangukaka. Bantu beko na nguka. Les gens tombent. Kanisa ya Yesu itangukaka. L'église de Jésus ne tombera jamais. Amen. Amen. Soyez fiers. Mouwe na fieri. Soyez fiers. Mouwe na fieri. Au ciel, Dieu aussi est fier. Mbingu, Mungu vile vile, il est fier de vous. Et qu'on a fier en Dieu et nous. Regardez, Dieu a promis sa veille, pour manifester seulement le prix. Si nous, nous lui faisons aussi des choses qui sont bonnes. Si tout le monde fait bien, voilà les choses que nous faisons pour Dieu. Parce que Dieu, tout qu'on a nous sommes précieux. Amen. Amen. Et pour l'œuvre que vous avez faite, Dieu est un grand pour les bénédictions. Dieu n'est pas injuste Mungu, pour oublier tout ce que vous êtes en train de faire. Frères et sœurs, avant que nous quittons sur la terre, Dieu aussi te récompensera. Ne vous fatiguez pas. Travaillez. Amen. Amen. Travaillez. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec le ciel. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il remplit tout en tous. Il te remplit tout en toi. Et puis il est rempli. C'est ce que Dieu est en train de faire. Voilà ce que Dieu le monde. Et qu'on appelle il veut nous remplir tous. C'est quoi, ne découragez pas. Ne découragez pas celui ou celle qui est sur le chemin. Encouragez-le. Même si le malheur t'atteint, courage. C'est pas fini. Aya malizika bado. C'est pas fini. Aya malizika bado. Mungu pamoja nawe. Est-ce que vous comprenez le parallélisme? Et si vous n'allez pas namna bitu atembea pamoja. De la même manière que Dieu avait appelé Abraham. Namna mwamba Mungu alimtaka Ibrahim. De là où il était. Toka pale alikuwa. Je lui ai dit. Mungu akamonesha. Lève les yeux. Inua macho yako. Hapana kuangalia paka kile wiko. Il faut pas regarder ce masque que tu es. Lève les yeux. Inua macho. Regarde. Tazama. Au nord. Kusini, sud, kaskazini, à l'orient, asubuhi, à l'occident, magharibi. Tu as vu? Et tu naona? Je sais que Abraham a dit oui, j'ai vu. Mina jua kusema Ibrahim alisema ndio mimi naona. Tu vois tous ces pays là? Unaona ile manchi yote? Même si tu vois il y a des buildings. Hata unaona kule kuna building, manyumba ya etage. Tous ces pays là. Ile manchi yote. Je les donne à toi. Na ipatia wewe. Et à ta posterité. Na kwa uzao yako. Pour toujours. Kwa lote. Attends, mon ton a là pas même si quelqu'un jurait que mon ton a quoi que je ne sais pas non, me dire que non vous devez l'arracher, je ne pourrais jamais te l'arracher. C'est ce que Dieu fait aussi avec vous. Dieu le Mungu on a fait un affaire. Anasema, il dit, macho ya roho yetu, les yeux de nos cœurs, yangarie, regarde, ione, et voie, ni utajiri kani, quelle est la richesse. Amen. Amen. Ni utajiri kali. Yenye Mungu. Don Dieu. Anachungia benye bale aliita. A tous ceux-là qu'il a appelé. Amen. Amen. Nous avons une destinée. Tuko na fazi yetu kule tupenda kuikala. Et ta destinée ma mon frère ma sœur. Na fazi yako ile yabasha kutayarishia mwisho. Ta destinée. Fazi yako ya mwisho n'est pas entre les mains d'un homme. Aina mu mikono ya Mungu ya mtu. N'est pas entre les mains d'un homme. Aina mikono ya mutu. Ta destinée. Fazi yako ya mwisho. Et entre les mains de Dieu. Iko mikono ya Mungu. Cherche mu mikono ya Mungu. Nani atakitosha? Alors c'est qui a dans la main de Dieu qui peut l'arracher? Cherche mu mikono ya Mungu. C'est qui te trouve dans la main de Dieu? Nani atakitosha? Qui peut le ravir? Apana kuangaika. Il faut pas te tourmenter. Ne dis pas. Oh ma destinée passe inaperçue. Oh fazi yangu ya mwisho iko napita bila kuonekana. Non. Nione tena. Dieu sait. Mungu anajua. Dieu sait. Mungu anajua. Et il est en train de t'amener. Na yeko mkukupeleka. Ta destinée divine. Unaenda kufazia kule yeye mwenye Mungu atakutia. Njo kwa maana. Tu concours. Yote. Tu concours. Yote tunasaidia. Oh bien. Ni faida. Ni soje ya mchao. Ya wale wenye kumpenda Mungu. Tu concours. Yote biko nasaidia. Oh bien. Amen. Amen. Tout travail pour mon bien. Yo, tu vois ça idée, une atomique comme faida yangu. Puisque j'aime Jésus. Je m'en penda Yesu. Tout concours pour mon bien. Yo, tu vois ça idée, mon faida yangu. Puisque j'aime Jésus. Je m'en penda Yesu. Tout concours. Yo, tu vois ça idée, tout travail. Yo, tu m'en atomique tout. Ça c'est comme un mambo inafik. Mais dès qu'un problème arrive, on anja kuriaria. Et tu commences à te lamenter. On anja kutompola. Et tu commences à te lamenter. C'est là que nous ne voyons pas la main de Dieu. Yo, pas la tuone mkono ya Mungu. L'inquiétude c'est pas la foi. Uzuni aina njo imani. L'inquiétude c'est pas la foi. Uzuni aina njo imani. Na donc on esquia. Yes, pasteur, tu écoutes. L'inquiétude c'est pas la foi. Wana uzuni aina njo imani. La foi c'est une ferme assurance. Imani ni hakikisho ya imara. Des choses qu'on espère. Ya vitu vile tunatumainia. Des choses qu'on ne voit pas. Ya vitu vile tuone. Amen. Amen. Lisons. Tusome. Esaïe chapitre 40. Esaïe ma kumine. On va arrêter à quelle heure? Esaïe chapitre 40. Esaïe ma kumine. Église, est-ce que vous êtes là? Et si kanisa mouna fata. Verset 27. Esaïe ma kumine saba. On peut commencer par du verset 25. À qui me comparez-vous? Ni nani mwenye nifananisha naye? Pour que je lui ressemble. Ili nipate kufanana naye. Dis-le ça. Mtakatifu amesema. Levez vos yeux en haut. Mwinue macho yenu juu. Regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Alors, pourquoi dis-tu, ma sœur, dada, pourquoi dis-tu, quani numesema, mon frère, yangu, pourquoi dis-tu, quani numesema, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mali yangu ya mwisho kwenye kuficho kwa macho ya milele. Pourquoi dis-tu ça? Quani numesema vile? Oh, Mungu ashini yue. Oh, moi Dieu ne me connaît pas. Mungu ashini yue. Oh, Dieu ne me connaît pas. Kama Mungu aliniua. Je me connaissais. Est-ce que Dieu devait pas kunifichia? Est-ce que ceci pouvait m'arriver? Qui t'a dit que? Nani alikuonyesha kwamba? Parce que telle chose t'est arrivée. Tu la kufikia, alors tu n'es pas de Dieu. Je vous dis, Mungu, auna wa Mungu. Qui t'a dit ça? Nani alikuonyesha vile? Pourquoi dis-tu Israël? Nous mesema Israeli. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mali yangu ya mwisho iko kwenye kuficha mbele ya milele. Mon droit passe inaperçu. Halali yangu inapita bila kujulikana. Mon frère, ma sœur, yangu, dada yangu, écoutez-moi. Munisikilize. Si tu es fils de Dieu, kama uko binti wa Mungu, si tu es fils de Dieu, kama uko mtoto mwanaume wa Mungu, donc Dieu est votre père. Nikusema Mungu ni baba yako. N'est-ce pas? Et na vile, écoutez maintenant. Musikilize sasa. Un enfant. Mtoto. Est-ce qu'il y a un bébé ici? Et hapa kwa mtoto mchanga. Prenez un enfant. Mubebe mtoto mchanga. L'enfant quand il tombe malade. Mtoto wakati anagonjwa. Est-ce qu'il va aller se faire soigner lui-même? Eti atenda yemo kujitunzisha? Est-ce qu'il va aller se faire soigner? Eti atenda kujitunzisha yemoya? L'enfant quand il atteint 6 ans. Wakati mtoto anenesha umri miaka 6 ans. Est-ce que c'est lui-même qui va dire moi-même je vais me mettre à l'école? Et yeye mwenyewe atasema sasa ndio mimi naenda kwa masomo. Moi-même maintenant je vais commencer à payer. Mimi mwenyewe nitaanza kujilipia masomo. Est-ce que c'est ça? Et ndio vile. En tant que enfant. Sawa mtoto, il a des droits. Eko na marusa yake. Et son père, na baba yake, a l'obligation, eko na mapashwa, d'assumer les droits de son enfant. Halali ya mtoto yake. Si aujourd'hui à ce qu'il y a, kama leo kuko bila tukuna ona, c'est à cause de la méchanceté du monde. Ninjutu ya bubaya dunia. Amen. Amen. Si aujourd'hui il y a les enfants de la rue, kama leo kuko batoto wa mbalabala, si il y a les enfants du marché, kama batoto wa lala musoko, c'est à cause de la méchanceté. Ninjutu ya bubaya au Mais auprès de Dieu, lakini kwa Mungu yeye habifanikaki. Nous pouvons être errants, mais nous ne serons jamais des vagabonds. Lakini hatutakuwaka bakawayawaya. Quand sa conscience est endormie, il peut faire quelque chose dans l'ignorance. Mais quand sa conscience est réveillée, c'est fini. Il marchera avec cette honte. C'est pourquoi nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Comme nous avons vu dans les vignes, je suis tellement pressé, je dirai Père, Baba, Père, tiens dans ma poche joyeuse, Père, accomplis tes devoirs, tiens dans ma poche joyeuse, accomplis tes devoirs, en tant que ton enfant, j'ai droit à la vie, en tant que ton enfant, j'ai droit au pardon, en tant que ton enfant, j'ai droit au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est mon droit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ton droit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ton droit. La guérison, c'est ton droit. La délivrance, c'est ton droit. Le pardon, c'est ton droit. La victoire, c'est ton droit. L'élévation, c'est ton droit. La réussite, c'est ton droit. Est-ce que vous croyez cela? C'est Dieu lui-même qui nous a dit tout ce que vous entreprendrez. Tout ce que vous entreprendrez. Et répondez, tout ce que vous entreprendrez, tout ce que nous entreprendrons, réussira. Ndoku, comme on a quelqu'un là au travail là, il commence à te menacer. Si on a un cas de moule, mutu anza kusonga songa. Ushiseme. Ne dis rien. Wende kuma goch. Va tellement à genoux. On est chez papa yako. Dis à ton père. Ule mutu ona ni menacer. Cet homme là est tenté de menacer. Mira sasa wewe ou mutu menacer. Que toi tu puisses le menacer. Na wewe msonge songe. Wewe sasa umu menacer. Que toi aussi tu puisses le menacer. Quel choix t'accouye, il sera poli. Il sera poli. Il va te respecter. Atakoeshimia. Tout le monde va vouloir. Nous ne sommes pas des hommes vils. Nous sommes précieux. Vous n'avez pas tué Abel. Ni vous ni moi. C'est Dieu lui-même. Ni Nema, ni Nema. C'est une grâce. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Même si tu es de petite taille. Nous n'avons rien fait. Je t'ai choisi. Mama, mame, mama, même si tu es vieille, tu as de la grâce, tu as choisi, tu es précieuse, Kankamana, fortifie-toi, Kankamana, et du courage, la vieillesse que tu vois, elle est temporelle, mais tu ne regardes pas, il y a point de vieillesse. Amen. Amen. Oui mon frère, oui ma soeur. Dieu ndugu yangu, Dieu dada yangu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous acceptez de recevoir l'adoption? Est-ce que vous acceptez cela? C'est votre droit. C'est pourquoi? Dès que nous sommes coincés, nous crions. Abba Père. Abba Baba. Fura. La joie. Fura n'est pas pour les la joie est seulement pour les gens du monde. Il n'y a jamais de la joie. Hein? Il n'y a pas la joie. Si dans ta maison il y a la joie, pourquoi dois-je tellement continuer à pleurer? Qui t'amène à pleurer, mais tu ne veux pas pourquoi me donner, papa. Et tu sais que si tu m'as donné, je ne peux pas agir n'importe comment. Si tu me donnes la chose, il y a ton intérêt là-dedans. Si tu me donnes la chose, la dîme est là. Si tu me donnes la chose, la contribution est là. Si tu me donnes la chose, Prends-la. Alors, tu ne peux pas me les donner. Dis adieu. Bon, ouais, quand même. Alors toi, comment mina lala? Si j'ai dormi, dinanja tu kunyuma uma. Je commence à avoir des douleurs. Oh, ça me fait mal. C'est mon gars, bien. Toi, tu penses que Dieu est dans la joie? Ma soeur, même si tu es endormi, exerce la foi. Tu m'y as imani. Veva mukono yako. Prends ta main. Weka penye peko na uma. Pose là où tu as de la douleur. C'est ma neno moya. Dis tellement une parole. Au nom de Jésus. Nous sommes à Yesu. Les démons partiront. Les démons aïta kimbia, aïta enda. Oui, Dio. Pourquoi dis-tu Israël? Jean, c'est ma Israëli. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne laisses-tu pas? Et ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel. Qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Même ce soir. Il continue à bénir. Même ce soir. Il continue à guérir. Même ce soir. Il continue à baptiser du Saint-Esprit. Même ce soir. Il continue à délivrer. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu as un problème, reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Dieu avait béni Abraham. Aujourd'hui, il bénit encore. Amen. Amen. Si Dieu avait béni Abraham. Aujourd'hui, il bénit encore. Si Dieu avait donné des enfants à Sarah. Aujourd'hui, il donne encore. C'est pas fini. Dieu continue à travailler. Et quand nous prêchons, le Saint-Esprit est en train de suivre la parole pour la matérialiser dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Amen. Amen. Chunga sauti. Garde la parole. Chunga sauti. Garde la parole. Fale pengine utakosha kulala. Peut-être tu seras endormi. Saint-Esprit itapita. Le Saint-Esprit passera. Il va regarder. Kama naona sauti. Dès qu'il voit la parole. Il a itimiza. Et ça accomplit cette parole là. Joma na shetani. Voilà pourquoi le diable. Yeye anapendaka paka kutosha. Lui aime toujours ôter. Amen. Amen. Il aime toujours enlever. Même si nous quittons l'église, nous devons nous respecter. Ne suscitons pas de problèmes. Si tu as un problème avec un frère, il ne faut pas le voir à l'hôpital. Va le voir chez lui. Laisse même cette parole qu'il a reçue, que ça puisse trouver une place et que ça reste ancré. N'est-ce pas ma soeur? Et tu as vu les dada? On toka ko inje à la sortie la mutia dada la dehors, salut la sœur avec respect on mupatie ko nguvu fortifie la atoke na yeye na furaha sorte aussi avec joie ya kusema hakika dire que certainement Mungu alinipatia dada Dieu m'a donné des sœurs Mungu alinipatia wandugu Dieu m'a donné des frères kama konaenda mwile na muna il part dans cette salle wakati tenge mu nyumba yake bara ya neno itenge mu nyumba on va entrer aussi dans sa maison. Il ne se fatigue point. Il ne se laisse point. Il ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. Les adolescents se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ma soeur, que ta force soit renouvelée. Mon frère, que ta force soit renouvelée. Que ton zèle soit renouvelé. On va arrêter. Tu as une destinée divine. On va prier. Mais avant de prier, on va prier. On est chamungu ya kusema. Dis à Dieu que kile iki niko nacho. Que j'ai. Kile we mungu. Ce n'est pas ce que toi Dieu tu as prévu pour moi. Il y a un problème qui le tourmente tellement. Auquel tu n'as jamais eu de solution. Nani? Qui? On est chez Mungu mangaribia leo. Dis à Dieu ce soir. Le problème que j'ai, ce n'est pas ce que toi tu as prévu pour moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais expérimenter les choses ce que toi Dieu tu as prévu pour moi. Dans cette Bible, dans la Bible, il y avait deux femmes. Deux femmes prostituées. Elles ont mis au monde. Et na. Pendant la nuit, usiku, tous étaient endormis. Wote wakalala. Maintenant, une avait commis une imprudence. Sasa moya alikosa kwa la utaratibu angalisho. Et s'est endormi sur son enfant. Akalalia mtoto yake. Et son enfant est décédé. Na mtoto yake akakufa. L'autre là était endormi. Ule mwingine mwanamke alikuwa mkulala. Maintenant, celle qui avait l'enfant décédé. Sasa ule alikuwa mtoto yake anakufa. Il a pris son enfant décédé. Akabeba mtoto wake wakufa. Il a échangé. Akambadirisha. Il a donné à l'autre. Akampatia ule mwingine. Il prend son enfant. Na kabeba wa ule mwingine. Et il dort avec cet enfant. Akenda kulala naye. Maintenant. Sasa. Cette autre femme là. Ule mwanamke mwingine. Elle se réveille. Akaamka. Que cette parole te réveille. Ineno kuamushe. Que cette parole te réveille. Ineno ipate kulamusha. Que le Saint-Esprit te réveille. Roho Mtakatifu akuamushe. Amen. Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église. Donc, quand, au kanisa, quand nous venons à l'église. Quand au kanisa, quand, la, quand le Saint-Esprit parle. Quand Roho Mtakatifu anamesema. Notre conscience se réveille. Zamiri yetu inaamuka. Et nous regardons. Na tunaangalia. Tunafumbula. Et nous découvrons cette femme. Ule mwanamke. Quand elle se réveille. Wakati anaamuka. Elle a pris l'enfant. Akabeba mtoto. Elle a regardé. Akamtazama. Elle a tourné. Akamgeuza. Elle a regardé. Akamtazama. Akasema hapana. Cet enfant. Huyu mtoto. C'est pas mon enfant. Ana wangu. Nous aussi, à l'égard de la parole, quand nous tournons la vie, nous tournons nos manquements, nous tournons nos faiblesses, nous regardons, nous disons, ça, c'est pas ce que Dieu m'a donné. Cette femme, elle a dit, non, ça c'est pas mon enfant, c'est ton enfant, parange à Kubishana, amen, et ils ont dit, allons chez le roi Salomon, ce soir, il y a plus que Salomon ici, ce soir, il y a plus que Salomon, dans Léo, Atakukatia Mambo, Léo, Atakukatia Mambo, Chile ou amen. Amen. Salomon avait tranché. Salomon kataka mambo. Amen. Amen. Si Salomon avait tranché. Salomon kataka. Ton Seigneur Jésus. Bwana wako Yesu. Notre Dieu. Mungu wetu. Ce soir. Imangaribi. Il va trancher. Atakata mambo yako. Dada. Master. Mangaribi ya leo. Soir. Mungu ayora kukatia mambo. Par ce Dieu. Kile uko nacho. Haina chako. Tantapatempa. Kile uko nacho. Haina chako. Tantapatempa. Recevez toutes les bénédictions. Au nom de Jésus. Que celui qui est malade reçoive la guérison. Que celui qui a un problème reçoive la solution. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais lâcher au pasteur. Narudisha mimbari kwa pastori. Merci.